Mademoiselle de Montpensier par Marcel Tiner. Quand on parle de la grande mademoiselle, l'image qui nous apparaît est celle d'une princesse cavalière, portant sur sa jupe un juste corps d'homme, un chapeau de mousquetaire sur ses cheveux bouclés, et tenant une cravache comme un bâton de commandement. C'est dans ce bel attirail qu'un sculpteur l'a représentée, parmi les femmes illustres et les reines, sur la terrasse du Luxembourg. Elle étend le bras, elle écoute tonner le canon de la Bastille et fuir au loin l'armée royale. C'est une belle amazone. Mais les amoureux qui rôdent sous les marronniers ne se donnent pas rendez-vous près du socle qu'elle domine. Ils vont vers les figures légendaires des grandes amoureuses, vers Clémence Isaure et Marie Stuart. Un instinct poétique leur conseille d'associer à leurs souvenirs les noms et les visages de ces belles mortes qui furent aimées. La grande mademoiselle n'a que faire dans une idylle. Ainsi, après 3 siècles, se venge l'amour, le plus vindicatif des dieux. Mademoiselle de Montpensier mériterait pourtant une place dans la galerie des amoureuses, mais le rôle qu'elle tiendrait, unique dans l'histoire, serait bizarre, burlesque et touchant, et il vaut mieux pour elle que la légende ait immortalisé la frondeuse et laissé dans l'ombre la vieille fille qui, pendant toute sa jeunesse, méprisa l'amour, rêva d'un possible mariage et finit à près de 50 ans comme le héros de La Fontaine, trop heureuse de rencontrer un limaçon, c'est-à-dire un simple gentilhomme, et encore, le limaçon lui passa-t-il, si j'ose m'exprimer ainsi, devant le bec. Mademoiselle de Montpensier, née en 1627, était le premier enfant de Gaston d'Orléans, frère du roi Louis XIII et de Marie de Bourbon, duchesse de Montpensier. Le roi Louis XIII et la reine Anne d'Autriche, dont le mariage était stérile, furent très obligés à cette nièce de n'être pas un neveu. Le 7e jour, la mère mourut. Le père, ayant bien pleuré, se consola, et la petite princesse fut installée aux Tuileries avec un régiment de gouvernantes, d'écuyers et de domestiques, ce qui ne l'empêcha pas d'être fort mal élevée, ou plutôt pas élevée du tout. La première gouvernante, Madame de Saint-Georges, lui apprit bien juste à lire et à écrire. « S'il paraît en moi quelques bonnes qualités, dit mademoiselle dans ses mémoires, elles y sont naturelles et l'on ne doit rien en attribuer à l'éducation. » L'éducation lui donna surtout un sentiment de sa grandeur et une fierté de sa haute naissance qui se révélèrent dès l'âge le plus tendre. Mademoiselle étant petite fille par son père de Marie de Médicis et par sa mère de Madame de Guise, ne voulait reconnaître qu'une grand-maman, celle qui portait couronne, et elle disait de Madame de Guise « Elle est ma grand-maman de loin, elle n'est pas reine. » Cependant, toute glorieuse qu'elle était, mademoiselle était une excellente personne. Elle avait eu le bon goût de ne pas ressembler à son père, Gaston d'Orléans, un neurasthénique raffiné, délicat, traître et poltron, vrai fils d'une Médicis, digne de la cour des Valois, et plus florentin que français. Elle ne ressemblait pas davantage à sa mère, fade, molle et douce comme une brebis. Il y avait en elle, avec des défauts et des ridicules, avec un orgueil presque comique et une prodigieuse ignorance des réalités, il y avait je ne sais quoi qui venait du grand-père Béarnais et qui sauvait tout le reste. Mademoiselle tenait de Henri IV un grand nez, un grand cœur, un caractère hardi et le goût de l'aventure, mais elle était beaucoup plus naïve que son aïeul, et elle avait sur l'amour des idées qui n'étaient pas celles du vers galant. La petite enfance de mademoiselle fut agitée par le contre-coup des intrigues paternelles. Gaston d'Orléans avait la manie de conspirer. Il passait sa vie à préparer contre le redoutable Richelieu les plus terribles machinations. Il entraînait dans son parti des jeunes hommes ardents et crédules, puis, au moment d'agir, il se dérobait. Une incroyable lâcheté le poussait à vendre ses complices et il rachetait, avec les têtes des autres, sa sécurité déshonorante et ses biens. Il dut sortir de France, et il y revint d'abord, en 1632, avec une armée étrangère, ce qui conduisit à l'échafaud le duc de Montmorency. En 1634, il épousa secrètement une sœur du duc de Lorraine, à la grande colère du roi qui refusa de reconnaître le mariage. Mademoiselle, qui aimait sans le juger ce père méprisable et charmant, ne connut pas le détail de ses affaires. Elle se contenta, par esprit de famille, de haïr le cardinal de Richelieu et de chanter toutes les chansons satiriques que l'on faisait contre lui. Mais elle eut, à 9 ans et demi, la cruelle humiliation d'être tenue sur les fonts baptismaux par le cardinal lui-même et de devenir la fille spirituelle de l'ennemi de son papa. Elle fut offensée surtout parce que ce parrain, qui n'était ni roi ni prince, s'avisa de la traiter en enfant. Il lui promit d'avoir soin d'elle et de la marier. Mademoiselle pensait qu'elle se marierait fort bien toute seule. Elle était du sang de Bourbon et la plus riche héritière de l'Europe. L'idée du mariage lui devint familière dans un âge où les fillettes jouaient à la poupée. Et c'est ainsi qu'elle découvrit des intentions matrimoniales au comte de Soissons, qui était un cousin de feu sa mère, homme déjà mûr et fort mal fait, semble-t-il, pour être le premier amour d'une demoiselle. Madame de Montbazon, qui était alors la maîtresse du comte, faisait sans vergogne métier d'entremetteuse et représentait à mademoiselle qu'elle mènerait une vie charmante après avoir épousé son cousin. Ce serait tous les jours le bal et la comédie. « Je l'écoutais avec plaisir, » dit mademoiselle, « et je n'avais pas d'aversion pour la personne de monsieur le comte. Or, la disproportion de mon âge avec le sien, le mariage était très faisable. C'était un fort honnête homme, doué de grandes qualités, et qui, pour être cadet de sa maison, n'avait pas laissé que d'être accordé avec la reine d'Angleterre. En effet, Henri IV avait accordé sa fille Henriette, nouvelle-née, avec le comte de Soissons, alors âgé de 5 ans. La tête de mademoiselle était si bien montée que le comte, ayant été refusé par le père, se proposait d'enlever la fille. Mais il fut tué en 1641, au combat de la Marfée, et mademoiselle le pleura sans savoir pourquoi, comme elle l'avait aimé sans savoir pourquoi. Peut-être voyait-elle en cet événement un présage de sa destinée. Ainsi, à 14 ans, elle manqua pour la première fois un mariage. 14 ans. Pour les filles du XVIIe siècle, et surtout pour les princesses, c'était l'âge du mariage, et quelquefois l'âge de l'amour. Mademoiselle, grande, forte, blonde, épanouie, assez belle fille, qui devait bientôt s'épaissir et s'alourdir, était à l'heure charmante de son premier printemps. Nourrie de romans et de tragédies, très romanesques, elle avait l'esprit farci des proses de M. Durfey et des vers de Corneille, ce qui composait un enseignement bien contradictoire. D'une part, elle concevait l'amour, à la façon des précieuses, comme un divertissement de l'esprit, un exercice d'assouplissement sentimental, qui donnait aux honnêtes gens de l'élégance et de la finesse, et les accoutumait aux beaux discours et aux imaginations héroïques. Mais c'était un amour tout littéraire, qui se satisfaisait de soupirs et de conversations. Son caractère particulier était d'être toujours chaste et toujours illégitime, et en cela mademoiselle s'accordait avec Athos et Madelon, qui ne pouvaient supporter qu'Oronte fut mariée à Clélie et Cyrus à Mandane, parce que c'était supprimer à la fois et le roman et l'amour. Le mariage des amants romanesques ne pouvait être qu'un dénouement. Quand l'auteur n'a plus rien à dire, il marie le héros et l'héroïne, ce qui est moins triste que de les tuer. Dans la vie réelle, mademoiselle ne confondait pas l'amour et le mariage. Elle pensait que le don de sa main devait entraîner le don de son cœur, et elle était disposée à aimer n'importe quel mari, même malgracieux et brutal, pourvu qu'il fût digne d'elle, entendez, digne de son rang. Elle pensait que le trône met une âme au-dessus des tendresses, et elle eût dit volontiers, comme la confidente à l'infante du Cid, « Une grande princesse à ce point s'oublier que d'admettre en son cœur un simple cavalier. » C'est pourquoi, ayant perdu son vieux cousin, elle espéra trouver un mari dans un autre cousin qui était beaucoup plus noble et plus riche, puisqu'il était dauphin de France, mais peut-être un peu trop jeune, puisqu'il avait à peine 3 ans. Quand le futur Louis XIV était venu au monde, la reine Anne d'Autriche avait dit à sa nièce « Ce sera ton petit mari ». Et le cardinal de Richelieu avait trouvé la plaisanterie fort mauvaise, parce qu'il avait d'autres projets. Il interdit à mademoiselle de jouer avec ce petit mari au maillot. Alors la reine, pour consoler la petite fille, « Il est vrai que mon fils est trop petit. Tu épouseras mon frère. » Sans renoncer dans son cœur au dauphin qui ne serait pas toujours petit, mademoiselle se prit à considérer que le frère de la reine n'était pas un parti méprisable, bien qu'il fût cardinal, comme ce méchant ogre rouge de Richelieu. La dignité cardinalice n'était pas un obstacle au mariage, l'infant n'ayant reçu que les ordres mineurs. Mais le cardinal infant mourut d'une fièvre tierce et fit manquer ainsi le second mariage rêvé par mademoiselle. « J'en fus très fâché, » dit-elle, parce que c'était l'établissement du monde le plus agréable pour moi, à cause de la beauté du pays, de sa proximité à celui-ci, et par la manière d'y vivre qui n'est pas très éloignée de celle de France. Et elle ajoute naïvement, « Pour les qualités de la personne, quoique je l'estimasse beaucoup, c'est à quoi je pensais le moins. » la conspiration de 5 mars, la mort du cardinal, la mort de Marie de Médicis, la mort du roi Louis XIII, accidents diversement tragiques, survenus en peu d'années, purent divertir quelque temps la pensée de mademoiselle. Elle fut heureuse quand son père revint d'exil et vit, dans la nouvelle faveur de Gaston d'Orléans, un moyen de réaliser son rêve. En 1644, la reine d'Espagne, belle-sœur d'Anne d'Autriche, mourut. Mademoiselle s'avisa que ce roi veuf était un parti fort propre pour elle et valait bien mieux que le cardinal infant. Mais la régente et Mazarin ne se souciaient pas d'enrichir l'Espagne ennemie avec l'énorme fortune d'une princesse française, et ce fut ainsi que mademoiselle manqua son troisième mariage. Vers cette même époque, la reine d'Angleterre, Henriette, fille de Henri IV et femme de Charles Ier, fut chassée de son royaume par la Révolution et se réfugia en France. Elle fut bien reçue d'abord, bien fêtée, et logée au Louvre que la reine Anne d'Autriche avait quitté pour le palais royal. Peu après, Charles Ier envoya son fils, le prince de Galles, qui avait 16 ou 17 ans. C'était un gros garçon, brun, assez timide, et qui ne savait pas un mot de français. La reine Henriette, qui voyait l'avenir bien sombre et la caisse royale bien vide, fit ce que font les mères anxieuses quand elles ont un fils à établir. Elle laissa entendre à la riche cousine que le cousin pauvre était amoureux. Elle le lui fit répéter par la reine Anne d'Autriche. Certes, la situation était romanesque et digne de la Clélie et de l'Astrée. Un jeune prince, exilé, malheureux, amoureux, et privé même de la joie de déclarer sa passion, parce que son ignorance de la langue l'oblige au seul langage des yeux, n'est-ce pas un personnage bien fait pour émouvoir une jeune princesse? Mais mademoiselle, tout enivrée d'héroïsme qu'elle fut, savait compter. Elle pensa que le cousin pauvre aimait ses beaux yeux moins que sa grosse dot, et que le trône d'Angleterre n'était pas extrêmement solide. Vainement, le prince de Galles, toujours muet et pour cause, se parait de rubans incarnats, blancs et noirs, aux couleurs de mademoiselle. Vainement, il lui tenait le flambeau pendant qu'elle était à sa toilette et lui donnait la main à la descente du carrosse. À la fête que la reine Anne donna au palais royal, mademoiselle parut, chargée de ses pierreries, parée aussi, dit-elle, de sa belle taille, de sa belle mine et de l'éclat de ses cheveux blonds. Pendant qu'on dansait sur une sorte de théâtre éclairé de flambeaux, elle s'assit sur un trône élevé de 3 marches, couvert d'un large dais où le petit roi et le prince de Galles n'avaient pas voulu se mettre. « J'y demeurai seule, » dit mademoiselle dans ses mémoires, « de sorte que je vis à mes pieds ces 2 princes et ce qu'il y avait de princesses de la cour. Je ne me sentis point gênée en cette place. Tout le monde ne manqua pas de me dire que je n'avais jamais paru moins contrainte que sur ce trône, et que comme j'étais de race à l'occuper, lorsque je serai en possession d'un où j'aurai à demeurer plus longtemps qu'au bal, j'y serai encore avec plus de liberté qu'en celui-là. » Pendant que j'y étais, le prince était à mes pieds, et mon cœur le regardait de haut en bas, aussi bien que mes yeux. J'avais alors dans l'esprit d'épouser l'empereur, et la pensée de l'empire occupait si fort mon esprit que je ne regardais plus le prince de Galles que comme un objet de pitié. La reine d'Angleterre devina les sentiments de sa nièce, et elle lui reprocha doucement. Mais la destinée de mademoiselle était de manquer encore ce 4e et ce 5e projet de mariage. Elle ne voulait pas du prince anglais, et l'empereur autrichien ne songeait pas à elle. Elle, pourtant, songeait à lui, et ayant ouï dire qu'il était dévot, elle pensa qu'elle ferait bien de devenir dévote, pour mieux s'accommoder à son humeur. Elle s'en fut au Carmélite faire une retraite qui lui tourna si bien l'esprit qu'elle se prit à son propre jeu et se réveilla un matin avec une vocation religieuse. Elle annonça très sérieusement à monsieur son désir d'être carmélite, mais monsieur répondit, non sans bon sens, que ce désir imprévu était fait du dépit de n'être point encore marié. Et la vocation de mademoiselle s'en alla comme elle était venue. Sur ces entrefaites, Charles Ier ayant été décapité, le prince de Galles devint roi. Cela lui rendit un peu de prestige. Mademoiselle passa en revue tous les princes de l'Europe qui étaient à marier, et n'en trouva aucun de convenable. Elle ne voulait pas d'un principicule allemand ou italien. Le roi de Hongrie était fiancé, l'empereur et le roi d'Espagne mariés, et en France le roi et son frère étaient des enfants. Mademoiselle n'avait pas du tout l'âme tendre, mais il lui prenait l'envie de s'entendre dire des douceurs, personne ne lui en ayant jamais dit. Un beau jour, elle se fit bien friser pour aller à la rencontre du roi à Compiègne, et elle lui trouva meilleure mine qu'autrefois. Mais le galant couronné ne sut pas profiter de l'occasion. Il ne dit pas la moindre douceur à mademoiselle, et à peine à table, il se jeta sur une énorme pièce de bœuf et une épaule de mouton. Ensuite, il demeura muet, d'abord parce qu'il ne savait que dire, et sans doute aussi parce qu'il digérait ses viandes. « Je veux croire, dit mademoiselle, que son silence venait plutôt de respect que de manque de passion. J'avoue le vrai, qu'en cette circonstance, j'eus souhaité qu'il m'en eût moins rendu. » L'impératrice étant morte, mademoiselle se consola tout à fait de la froideur anglaise et la reine d'Angleterre en conclut tristement que pour certaines ambitieuses, un roi de 18 ans qui est ruiné et détrôné ne vaut pas un empereur qui a 50 ans et 4 enfants. Mademoiselle n'était pas encore mariée quand éclata la guerre civile. Elle se jeta passionnément dans l'action. Je ne vais pas raconter en détail la fronde, puisque c'est l'histoire du cœur de mademoiselle, le roman de sa vie intime qui nous intéresse. Rappelons brièvement les faits. Ni Mazarin, alors tout-puissant, ni la reine, n'avaient compris que les vieux ferments de la Ligue couvaient encore dans la populace et même dans la bourgeoisie. Le trésor était vide. Les impôts croissaient. Aux représentations du Parlement, la reine répondit par l'arrestation du conseiller Broussel. Aussitôt, les barricades s'élevèrent. Le cardinal de Ré, le duc de la Rochefoucauld, le duc de Beaufort, le prince de Conti, Madame de Longueville, se jetèrent dans le parti populaire. Et la cour s'enfuit à Saint-Germain. Une réconciliation passagère la ramena bientôt dans la bonne ville de Paris, mais le feu se ralluma en province. Mademoiselle dut suivre la régente, qu'elle est assiégée Bordeaux. Elle s'y ennuya fort, et ce fut le moment où son père lui offrit l'occasion d'un nouveau rôle. Monsieur, réveillé d'une longue paresse, avait repris goût à conspirer. Il se posait en chef reconnu de la coalition de la noblesse et du peuple contre Mazarin. Mademoiselle commençait à être fort irritée contre la reine et le cardinal, qui lui promettaient toujours des maris chimériques. Elle avait eu un instant l'idée d'épouser Condé, dont la femme était malade, mais cette princesse avait guéri. La palatine se prétendait sûre de faire réussir le mariage avec le petit roi de 13 ans, mais elle demandait 300 000 écus de commission. Et la reine Anne, qui cajolait beaucoup mademoiselle et lui promettait à 2 000 rois, disait derrière elle « Ce n'est pas pour son nez, bien qu'il soit grand. » Pour se consoler de tous ses déboires, mademoiselle eut enfin, en 1652, l'aventure guerrière, le roman héroïque qu'elle cherchait. La ville d'Orléans, apanage de monsieur, se voyant menacée par les troupes rebelles et les troupes royales, appela son souverain au secours. Ce fut mademoiselle qui répondit à cet appel. Elle partit, vêtue d'un habit gris tout couvert d'or, suivie d'un état-major de dames fort emplumées, et se présenta devant Orléans, telle Jeanne d'Arc. Elle fit percer une vieille porte pour entrer dans la ville, où les habitants la reçurent, toute pâmée de rire, et la portèrent en triomphe. Le lendemain, elle prononça une harangue à l'hôtel de ville. Puis, elle présida des conseils de guerre, passa des revues, et s'en retourna, ivre d'orgueil, à Paris. Elle s'y trouvait encore quand l'armée du roi et celle de la Fronde se rencontrèrent près de la porte Saint-Antoine. Condé, qui commandait les rebelles, voulant entrer dans la ville, trouva les portes fermées et la retraite coupée. Il fit demander du secours à un monsieur qui se mit au lit pour se dispenser d'agir. Mademoiselle agit à sa place. On sait qu'elle n'hésita pas à faire canonner l'armée de son petit mari Louis XIV. Et c'est ainsi qu'elle manqua le plus beau, le plus désiré de tous les mariages. Quand l'émeute fut vaincue, quand tout rentra dans l'ordre, elle dut s'en aller en exil à Saint-Fargeau, où elle put réfléchir pendant 5 ans, dans la solitude et la disgrâce, au danger de la rébellion. Pendant 5 ans, elle vécut de souvenirs, d'espoirs et de romans. Elle lut Mademoiselle de Scudéry et la Calprenède, et commença d'écrire ses mémoires. Quand elle reçut la permission de revenir à la cour, elle avait 30 ans, et quelques cheveux blancs, de grosses joues couperosées, et elle était toujours fille. Néanmoins, sa folie de mariage la ressaisit aussitôt. Elle trouva que le frère du roi, Philippe, qui avait 17 ans, qui était beau, bien fait et frivole, ferait peut-être un mari. Il fut un mari assez mauvais pour le malheur d'Henriette d'Angleterre. Le roi lui-même avait épousé l'infante Marie-Thérèse. Et les années coulant amenaient la transformation complète de la cour, la faveur des maîtresses royales, des mœurs et des modes que mademoiselle ne comprenait plus. Tout le monde autour d'elle se mariait. Elle seule attendait le prétendant impossible. L'ex-prince de Galles, devenu le roi Charles II, lui gardait rancune de l'avoir méprisé dans sa pauvreté. Mademoiselle dépassa 35 ans. Turenne, qui avait de l'estime et de l'amitié pour elle, souhaita l'attirer de sa solitude et de sa mélancolie. Il lui proposa secrètement la main d'un roi, d'un vrai roi, Alphonse VI de Portugal. Le roi était un jeune homme de 23 ans, goulu, malpropre, ridicule, qui portait 6 ou 7 habits les uns sur les autres et sentait horriblement mauvais. Il avait si peur la nuit qu'il faisait coucher 17 personnes dans sa chambre. Enfin, il était presque paralytique et tout à fait ivrogne, mais il avait sur les autres prétendants de mademoiselle l'avantage d'être agréable au roi. Louis XIV avait ses raisons pour marier mademoiselle à ce magot. Tant enragée qu'elle était pour le mariage, mademoiselle recula d'horreur. Elle fit comprendre qu'elle préférait le duc de Savoie. Mais le duc de Savoie, qu'elle avait autrefois méprisé, la trouvait un peu mûre. Et cela finit par une nouvelle brouillerie de famille et une retraite au château d'Eu. En 1670, mademoiselle était revenue à la cour. Elle y tenait la place honorable d'une cousine à héritage qu'on supporte sans l'aimer beaucoup. Elle se trouvait dans une atmosphère d'amour et de galanterie. La mode des grands sentiments cornéliens était passée. Mademoiselle éprouva la mélancolie de la solitude, et voici qu'une pensée inconnue entra dans son cœur. C'était la pensée peu nouvelle du mariage, mais toute renouvelée parce qu'elle n'était plus associée à l'idée de l'ambition satisfaite, mais seulement à l'idée d'un contentement du cœur. « Je raisonnais en moi-même, dit-elle, et je me disais, ce n'est point une pensée vague, mais il faut qu'elle ait quelque objet, et je ne trouvais pas qui c'était. Je cherchais, je songeais et ne trouvais pas. Enfin, après m'être inquiété quelques jours, je m'aperçus que c'était M. de Lauzun que j'aimais et qui s'était glissé dans mon cœur. Ainsi, l'amour méprisé prenait sa revanche. » La princesse qui avait regardé du haut en bas le prince de Galles et qui avait rêvé d'épouser l'empereur s'était éprise d'une espèce de cadet de Gascogne. Elle le regardait comme le plus honnête homme, le mieux fait, le plus agréable, et retirée dans sa chambre, heureuse d'être seule pour penser à lui, elle faisait des plans pour son élévation future et trouvait que le mérite de Lauzun dépassait toutes les dignités. Cette vieille fille un peu virago, aux joues enflées, à la grosse voix, qui s'enorgueillissait naguère de n'avoir pas l'âme tendre, ressentait le besoin de lire des vers. Quand les ordres du ciel nous ont fait l'un pour l'autre, lise, c'est un accord bientôt fait que le nôtre. Sa main, entre les cœurs, par un secret pouvoir, sème l'intelligence avant que de se voir. Il prépare si bien l'amant et la maîtresse que leur âme au seul nom s'émeut et s'intéresse. On s'estime, on se cherche, on s'aime en un moment. Tout ce qu'on s'entredit perçoit des aimants, et sans s'inquiéter de 1000 peurs frivoles, la foi semble courir au devant des paroles. Ces vers, dit mademoiselle, me convenaient admirablement bien. On peut les tourner de toutes les manières. Ils sont chrétiens, quoique d'une comédie, puisque les mariages sont prédestinés par Dieu. Elle y pensait à l'église, c'était une prière d'un nouveau genre. Elle y trouvait le double plaisir d'élever un homme qui lui devrait tout, et de jouer un bon tour à ses héritiers. Il y avait dans cette âme de vieille fille ces petits sentiments timides comme les pousses qui reverdissent à l'automne, un instinct obscur de la maternité, ce même instinct qui dévie si étrangement et s'attache à un chat, un chien, un petit jeune homme. Lauzun n'était plus un petit jeune homme, c'était un personnage assez dangereux et prodigieusement habile. Saint-Simon, qui l'a connu dans sa vieillesse, l'a peint au naturel en quelques touches vigoureuses. Il a été un personnage si extraordinaire et si unique en tout genre que c'est avec beaucoup de raison que La Bruyère a dit de lui dans ses caractères qu'il n'était pas permis de rêver comme il a vécu. À qui l'a vu de près, même dans sa vieillesse, ce mot semble avoir encore plus de justesse. Le duc de Lauzun était un petit homme blondasse, bien fait dans sa taille, de physionomie haute, pleine d'esprit, qui imposait mais sans agrément dans le visage, à ce que j'ai ouï dire aux gens de son temps. Plein d'ambition, de caprices, de fantaisie, jaloux de tout, voulant toujours passer le but, jamais content de rien, sans l'être, sans aucun ornement ni agrément dans l'esprit, naturellement chagrin, solitaire, sauvage. fort noble dans toutes ses façons, méchant et malin par nature, encore plus par jalousie et par ambition, toutefois bon ami quand il l'était, ce qui était rare, et bon parent, volontiers ennemi même des indifférents, et cruel aux défauts, et à trouver et donner des ridicules, extrêmement brave et aussi dangereusement hardi, courtisan également insolent, moqueur et bas jusqu'au baletage, et plein de recherches d'industrie, d'intrigue, de bassesse pour arriver à ses fins, avec cela dangereux au ministre, à la cour redoutée de tous, et plein de traits cruels et plein de sel, qui n'épargnait personne. Il vint à la cour sans aucun bien, cadet de Gascogne fort jeune, débarqué de sa province sous le nom de marquis de Puy-Guilhem. Il avait encouru la haine de Louvois et celle de madame de Montespan. Après la fameuse aventure où il s'était caché sous le lit de la marquise et du roi, pour entendre leur conversation, il fut mis à la Bastille. Malgré tout, il fut pardonné, et il était arrivé à persuader au roi qu'il l'aimait par-dessus toute chose. Louis XIV prit au sérieux cette gasconnade. Il n'était pas prévu que son favori prétendrait un jour à devenir son cousin. Lauzun avait deviné l'amour de mademoiselle et en était flatté, mais non ébloui. Par une manœuvre habile, il éprouva la solide tendresse de la princesse par une feinte indifférence. C'était à mademoiselle de faire les avances et de demander la main de Lauzun. Elle en mourait d'envie, mais ne savait comment s'y prendre. Elle s'avisa d'un piège innocent. Elle le conduisit un jour dans l'embrasure d'une fenêtre pour causer commodément. À sa fierté et à son air, dit-elle, il me parut l'empereur de tout le monde. Elle lui dit qu'on veut la marier au prince de Lorraine et qu'elle lui demande conseil. Lauzun, qui n'est pas dupe, lui exprime quelques vérités brutales sur son âge, l'ennui de sa condition, sur ses héritiers. Il la détourne cependant d'aller au pays étranger. Ne trouvera-t-elle pas à la cour quelque gentilhomme digne d'elle, qu'elle fera égale en puissance et en grandeur au souverain? Mais il ne dit pas quel est cet homme. À ce moment, madame de Longueville a l'idée saugrenue de marier son fils de 20 ans à mademoiselle. Celle-ci s'en réjouit et pense donner une jalousie salutaire à Lauzun. La cour voyageait en Flandre, et Lauzun commandait l'escorte. Comme il pleuvait beaucoup et que Lauzun n'eut tête, parlait au roi. « Sire, dit mademoiselle, commandez-lui de mettre son chapeau, cela le fera malade. » L'amour est vainqueur de l'étiquette. Malgré de nouvelles avances, Lauzun se dérobe toujours. Madame meurt. Le roi propose à mademoiselle d'épouser monsieur. Elle devient pâle comme la mort devant cette ironie du destin qui met à sa portée, trop tard, le rêve qu'elle avait fait dans sa jeunesse. Enfin, elle se décide, et après bien des discours mystérieux et énigmatiques à propos de l'heureux mortel qu'elle a choisi, elle écrit sur un papier « C'est vous », et le donne à Lauzun. Le lendemain, Lauzun lui dit « Vous me prenez pour un sot ». Elle répond en écrivant au roi une lettre émouvante de sincérité. Louis XIV demeure dans la plus grande stupeur. « Je ne vous le conseille pas, dit-il, je ne vous le défends pas non plus. Réfléchissez. » Lauzun use alors du stratagème suivant. Il envoie les ducs de Montausier et de Créqui demander pour lui la main de mademoiselle, au nom de toute la noblesse du royaume. Le roi dit oui. Et Montausier vient dire à mademoiselle « Mariez-vous cette nuit ?» Cela fit un éclat formidable, presque un scandale. On se rappelle la lettre de madame de Sévigné. Les ennemis de Lauzun font rage. Monsieur Tempête, la reine pleure, la vieille madame, veuve de Gaston. Et le prince de Condé protestèrent. La bourgeoisie et le peuple même furent choqués. Mademoiselle, enivrée d'amour, sûre de la parole du roi, n'écouta pas les conseils de la prudence. Au lieu de se marier vite, elle voulut se marier pompeusement. Elle laissa Laurent le temps de se préparer. L'avant-veille du mariage, le roi la fit mander. Elle jeta un cri de désespoir et courut aux Tuileries. Louis XIV la reçut dans son cabinet où Condé était caché. Il lui dit « Je suis désespéré de vous affliger. Il va de ma gloire. Ce mariage me nuirait dans les pays étrangers. Vous avez raison de vous plaindre. Battez-moi, si vous voulez. » Mademoiselle poussa un cri. « Où est monsieur de Lauzun ? Rassurez-vous, on ne lui fera rien. » Mademoiselle embrasse les genoux du roi et pleure. « Je mourrai, je serai trop heureuse de mourir. Je n'avais jamais rien aimé de ma vie, et j'aime passionnément, et de bonne foi. » Le plus honnête homme de votre royaume. Vous me l'aviez donné, vous me l'ôtez, c'est m'arracher le cœur. » Le roi reste inflexible. Mademoiselle remonte en carrosse et a une crise de nerfs. L'abbé de Choisy l'aperçoit comme une furie échevelée, menaçant des bras le ciel et la terre. Lauzun arrive, accompagné de Montausier et de Créqui. Il fait bonne contenance et tout le monde admire sa force d'âme. Mademoiselle seule l'aura voulu moins courageux. On dira qu'il ne m'aime point. Le lendemain, Madame de Sévigné, Madame de Maintenon viennent lui rendre visite. Mademoiselle reçoit dans son lit, inondée de larmes, à la mode des veuves, et elle s'écrie, montrant l'oreille à côté d'elle, « Il serait là !» Le roi vient, il pleure, il embrasse sa triste cousine. « Ah, sire, votre majesté fait comme les singes qui étouffent leurs enfants en les embrassant !» Mademoiselle maigrit, pâlit, ne mange plus, ne cessant de pleurer et ne parlant que de Lauzun. Le cinquième jour, on lui rappela qu'elle était princesse et que son rang lui imposait des devoirs. Elle revint à la cour avec des yeux rouges et pleura en public quand elle vit Louis XIV. Il lui dit « Si vous me refaites de ces vies-là, je ne me trouverai jamais où vous serez. » Un soir, au bal, elle fondit en larmes. Le roi, qui n'avait aucune pitié, déclara « Ma cousine a des vapeurs. » Qu'arriva-t-il après la rupture? Il semble bien que Lauzun et Mademoiselle aient contracté, faute de mieux, un de ces mariages secrets, qu'on appelait alors « mariage de conscience ». Les contemporains ne sont pas d'accord sur ce point important et les mémoires de Mademoiselle sont muets. Mais Lauzun avait sur le cœur la vanille et la déception terrible qu'il avait éprouvée. Il se déchaîna tellement contre Madame de Montespan que le roi le fit arrêter pour la seconde fois en novembre 1671. On ne le conduisit pas à la Bastille, mais à Pignerolles, où il put voisiner avec Fouquet. Le désespoir de Mademoiselle fut atroce. On tâcha de lui donner de la jalousie en lui montrant des cheveux, des fleurs, des lettres trouvées chez Lauzun. Elle était assez amoureuse encore pour douter, malgré l'évidence. Lauzun fut libéré en 1682. Afin d'acheter sa liberté, Mademoiselle dut faire des donations énormes au duc de Maine. Quand il revint, la cour est toute nouvelle. Le roi incline à la dévotion. Lauzun apparaît avec une vilaine perruque et un vieux justaucorps. Quand il revoit Mademoiselle, il ne trouve plus rien à se dire. Ils allèrent vivre au château d'Eu et logèrent dans la chambre aux amours. Mais Lauzun, s'ennuyant, il courtisa les suivantes. Mademoiselle, jalouse, le griffa et le battit. Ils se réconcilièrent, puis Lauzun finit par battre Mademoiselle. Ils se quittèrent en jurant qu'il aurait mieux valu pour eux ne s'être jamais vus. Lauzun vécut jusqu'à 90 ans. Mademoiselle mourut en 1693 sans lui avoir pardonné. Et la morale de cette histoire se trouve dans une lettre de Madame de Scudéry. L'amour est comme la petite vérole, plus on la tare et plus on est malade. Ainsi s'achève Mademoiselle de Montpensier par Marcel Tinère.